Chapitre 10. Secouement. Elle la souleva de sur la table tout en parlant et la secoua d'avant en arrière de toutes ses forces. La reine rouge n'opposa pas la moindre résistance. Son visage se rapetissa, ses yeux s'agrandirent et devinrent verts, puis, tandis qu'Alice continuait à la secouer, elle n'arrêtait pas de se faire plus courte et plus grasse et plus douce et plus ronde et